présentation, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est retracer en fait la genèse de la représentation de la profession chauffeur au Sénégal sur une période qui part des années 1970 et qui s'étend jusque dans les années 2000-2010. Donc il ne s'agit pas d'interroger voilà, l'apparition d'une activité, parce que bon, l'automobile elle fait son apparition voilà, au Sénégal au début du XXe siècle, et puis en même temps les gens qui conduisent. Il s'agit plutôt en fait de s'intéresser à l'apparition d'un groupe de personnes qui va revendiquer cette activité, l'activité de conduite, comme une profession, et qui vont penser leurs intérêts de façon différente d'autres groupes sociaux potentiellement impliqués dans le transport. Je pense tout particulièrement au groupe des transporteurs, c'est-à-dire celui que c'est comme ça qu'on appelle communément ceux qui sont les propriétaires des véhicules exploités par les chauffeurs. Donc, de quel chauffeur est-ce que je vais parler? Parce qu'effectivement, voilà, je ne vais pas parler de tous les chauffeurs en général, je vais parler des chauffeurs de transport en commun, donc les chauffeurs de transport de passagers, ce qui exclut par exemple les chauffeurs de transport de marchandises. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que dans l'espace public sénégalais, c'est ce segment de la profession, donc les chauffeurs de transport de passagers, qui a réussi à revendiquer avec le plus de succès le monopole de cette appellation, de cette dénomination, la dénomination de chauffeur. Alors toujours un peu pour introduire ce récit, qu'est-ce qui fait que l'histoire de l'affirmation de cette profession, elle est intéressante? Parce qu'effectivement, je suppose qu'il y a finalement peu de personnes dans le monde, ou même ici, qui nourrissent a priori un intérêt ou une fascination pour cette catégorie professionnelle. Donc, qu'est-ce que ce cas nous dit de plus général hein, sur le fonctionnement du monde social? Alors, cette histoire, il y a deux choses. Hein. La première chose, cette histoire et le moment où elle se déroule, elle fait écho à un certain nombre de questions qui sont propres à l'historiographie sénégalaise, mais aussi plus largement à l'historiographie de pas mal de pays d'Afrique subsaharienne qui ont connu des bouleversements similaires à la même époque. Alors, ce récit va permettre de comprendre un peu finement comment est-ce que l'État sénégalais va développer des relais alternatifs au sein de la société et notamment au sein du monde économique durant les années 1980 dans un triple contexte. Dans un contexte d'abord de remise en cause croissante de l'influence de la confrérie mouride, notamment du fait de l'urbanisation. Donc petit rappel, le Sénégal c'est un pays qui est à 95% musulman, c'est un islam confrérique, soufi. L'État colonial s'est largement appuyé sur les confréries mouris, mais aussi Tidjane, durant la période coloniale, et puis ensuite, après l'indépendance. Et donc tous ces réseaux religieux sont essentiellement ruraux, et l'urbanisation, ça vient directement remettre en cause tous ces liens de dépendance. Donc là, je renvoie un peu aux travaux, par exemple, de Momar Koumba Diop, qui a un article très bien qui questionne ça. Second contexte, c'est le contexte de l'alternance politique. Les années 1980, c'est la fin du règne de Léopold Sédar Senghor au profit de son ancien Premier ministre, Abdou Diouf. Et donc, on a une espèce de reconfiguration des réseaux du Parti Socialiste à ce moment précis. Hein, donc, c'est la même chose pour l'alternance en 2000, avec l'alternance de 2000 qui est la première véritable alternance au Sénégal, qui va voir l'arrivée au pouvoir de l'Abdoulaye Wade. Donc, toute une série de reconfigurations des réseaux politiques. Troisième contexte, c'est un contexte de, moi je dirais, de rigueur économique, avec la mise en place des ajustements structurels, la libéralisation de tout un pan de l'économie, et donc la fin d'un certain nombre de monopoles d'État, hein, et donc la remise en cause de la capacité de l'État à redistribuer un certain nombre de positions sociales, un certain nombre de marchés. Hein, donc là aussi, la remise en cause d'un certain nombre d'instruments de gouvernement, de réseaux, qui jusqu'ici étaient au fondement de la domination étatique. Donc il y a un moment plutôt charnière de l'histoire sénégalaise, et le secteur du transport, on peut dire que c'est une sorte de laboratoire pour comprendre un peu finement ce que tous ces bouleversements à la fois politiques, économiques, sociaux, ont engendré comme recomposition sociale. Et moi, ce que je vais essayer de montrer, en tout cas ce que je perçois, c'est que cette histoire, en fait, elle montre comment ces recompositions ont amené à l'affirmation de nouveaux groupes sociaux, et donc en l'occurrence de la profession chauffeur. Second registre de questionnement auquel on peut rattacher voilà, l'histoire que je vais bientôt vous raconter, c'est la question de la syndicalisation des travailleurs, de ce qu'on continue à appeler le secteur informel. C'est peut-être d'ailleurs ça qui intéresse le plus voilà, les participants de ce séminaire. Donc je rappelle, la notion d'informel, ça a été élaboré à partir des années 1970 et à partir du secteur du transport. Je pense aux travaux de Keith Hart dans les années 1970. Je pense aussi aux travaux d'Hernando de Soto, hein, si on se réfère un peu à tout ce qui se passe en Amérique latine. Et en même temps qu'on a labellisé tout cet ensemble d'activités économiques, le plus souvent urbaines, sous l'étiquette d'informel, on a aussi autonomisé l'étude de ces activités, de questionnements plus classiques, de ce qu'on pourrait appeler la sociologie du travail. Des questionnements sur la formation des groupes professionnels, des questionnements aussi sur la représentation des travailleurs. Lorsqu'on s'est tout de même intéressé aux organisations issues du secteur informel, eh ben on l'a souvent fait pour les opposer aux formes d'organisation syndicale traditionnelles, dans leur forme, mais aussi en les présentant parfois comme des obstacles à la syndicalisation. Et donc, quelque part, on a souvent accentué, une nouvelle fois, une espèce de spécificité ontologique de ce que serait voilà, le travail et les travailleurs informels. Et ici, dans l'histoire que je vais vous raconter, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'une des choses que je montre, c'est comment est-ce que ces organisations professionnelles alternatives, elles viennent nourrir les organisations syndicales traditionnelles au sortir des années 80, dans une période historique très particulière, hein, sur laquelle je vais revenir. Elles vont aussi leur fournir un ancrage dans un secteur dans lequel, finalement, elles n'avaient jusqu'ici qu'une faible présence. Donc, ce que je montre, hein, autrement dit, c'est comment, sur la période que je vais décrire, ces organisations professionnelles, elles ne sont pas dans une relation d'opposition face aux organisations syndicales plus traditionnelles, mais plutôt dans une relation de complémentarité. Alors, dernière série de préalables avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sont des préalables méthodologiques. Voilà, comment est-ce que je fais pour décrire tout ça, sachant que, bah, a priori, voilà, je suis pas très vieux et c'est pas des événements auxquels j'ai assisté. Il y a très peu d'archives administratives dans un secteur où en plus il y a très peu de gens qui savent lire et écrire le français, hein, donc c'est très difficile de trouver des archives privées. Donc comment est-ce que je me débrouille? Donc, je bricole avec trois strates de matériaux. Une première strate de matériaux qui correspond à toute une série de travaux de sciences sociales de l'époque. Alors là, je pense particulièrement aux travaux de Samir Amin sur le monde économique dakarois à la toute fin des années 1960. Tout ça, c'est extrêmement précieux. Je pense au travail de Vanchi Bonarden sur les réseaux marchands du Sénégal dans les années 70. Je pense aux travaux de Momoudou Diouf et Momar Koumba Diop sur le monde politique sénégalais dans les années 80-90 aussi, qui sont très précis, qui permettent voilà, de... Et puis je pense aussi aux travaux de Catherine Boone sur le monde économique à peu près à la même période, les années 80-90. Autre strate de matériaux, les archives administratives, même si en fait, moi je vais plus me concentrer sur la période post-indépendance, donc finalement il n'y en a pas beaucoup. Je mobilise surtout en fait des archives de presse, donc Le Grand Quotidien, Le Soleil et puis d'autres. Sur la période, mais bon, je ne vais pas tous se répéter. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'articuler ces deux types de sources avec un troisième type, qui sont des témoignages, des récits de vie. Alors, je ne suis pas allé dans toutes les régions, je suis allé à Saint-Louis, à Hambourg, à Kaolack, à Fatick, à Rufisque, donc dans ces capitales régionales, et puis parfois dans des villes un peu plus petites, enfin, des petites communes un peu aux alentours. Et l'enjeu, en fait, de cette combinaison, c'est de donner de la chair un peu aux récits un peu plus généraux qu'ont pu produire ces travaux de sciences sociales que je citais un peu plus haut, mais aussi de voir comment est-ce que finalement toutes ces logiques nationales qui sont décrites la plupart du temps par ces travaux peuvent se décliner dans le secteur particulier du transport. Donc tout ça, voilà, ça peut avoir un caractère un peu impressionniste. Parfois j'ai le sentiment de raconter un peu une histoire à trous. Mais malgré ça, voilà, je pense que ça donne des éléments intéressants pour comprendre ce qui s'est passé au Sénégal durant cette période charnière des années 1980, que ça permet aussi de questionner des oppositions réflexes, courantes, un peu trop faciles à mon goût, entre un syndicalisme tel qu'on conçoit habituellement d'un côté, et d'autres types d'organisations professionnelles qu'on considère comme moins légitimes parce qu'elles n'obéissent pas à l'idée qu'on se fait a priori de ce que c'est que les formes d'organisation légitimes ou les formes de syndicalisme légitimes. Donc, mon récit va avoir trois temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur la structuration de la fédération des transporteurs, donc des propriétaires de véhicules, durant les années 1970. Donc, si vous voulez, en fait, mon histoire sur la syndicalisation des travailleurs du transport, elle va commencer paradoxalement par une histoire du patronat. Alors, pourquoi? parce que l'émergence de toutes les structures sociales, les solidarités qui rendent possible l'émergence de ce groupe professionnel, donc au sortir des années 80, elle peut se comprendre qu'à travers cette histoire-là. C'est véritablement en fait dans les ruines de la représentation patronale que va émerger un syndicalisme, ou en tout cas une représentation des chauffeurs. Donc c'est le récit, voilà, c'est ce récit-là qui va nous occuper pendant la seconde partie de ma représentation. Je vais revenir sur le délitement de cette fédération dans un contexte de crise à la fois économique et politique, et puis sur l'émergence de nouvelles formes de représentation dans le secteur du transport qu'on va appeler donc les regroupements de chauffeurs. Et puis dans un troisième temps, je vais revenir sur la façon dont tout au long des années 90, ces nouvelles formes de représentation, hein, donc les regroupements de chauffeurs, vont intégrer la branche transport de la principale centrale syndicale sénégalaise, donc la Confédération nationale des travailleurs sénégalais, jusqu'à devenir une force incontournable dans le paysage social sénégalais, hein, lorsque je termine mon histoire, c'est-à-dire dans les années 2010. Donc voilà, vous avez un peu le déroulé général de ce que je vais raconter. Je bois un peu. Et je commence par donc, la première partie. Hein, je vais revenir donc sur la formation de la Fédération des transporteurs dans les années 70 et la façon en fait dont celle-ci va servir d'écrin, en quelque sorte, d'incubateur au collectif chauffeur. Donc tout commence avec ce qu'on va appeler la sénégalisation de l'économie. Alors qu'est-ce que c'est ? Durant la décennie qui suit l'indépendance, l'État sénégalais va reproduire exactement la même politique économique que l'État colonial. Donc il va privilégier les mêmes intérêts, les intérêts européens, les intérêts européens et assimilés. Dans le langage administratif de l'époque, assimilé, ça correspond en fait aux intérêts libanais. Et donc il faut attendre la fin des années 60 pour que les intérêts des acteurs économiques sénégalais commencent à être pris en compte. Et donc ça va s'effectuer notamment à la suite du mouvement social de 68. Il y a aussi un 68 sénégalais. Alors il faut savoir que suite à l'indépendance, donc, il y a plusieurs crises politiques qui amènent le régime à se durcir, à restreindre un certain nombre de libertés politiques. Et l'opposition va ressurgir en 1968 sous la forme d'un mouvement social suite à des manifestations étudiantes. Et donc suivant une logique assez classique en sociologie des mobilisations, on a une répression brutale qui engendre une escalade qui va pousser le principal syndicat sénégalais de l'époque, l'Union nationale des travailleurs sénégalais, l'UNTS, à s'engager dans un mouvement de grève qui va être considéré comme illégal par le pouvoir. Et donc ces protestations vont se cristalliser en 1968, mais vont continuer de façon un peu éparse jusque dans les années 70. Donc là, je me permets, bon, je ne vais pas m'étendre, je renvoie en fait aux travaux de Françoise directement, voilà, qui a pas mal travaillé sur cette période, Françoise Blum. Ce qui est moins souvent dit, ou ce qui est moins souvent mis en avant à propos du 68 sénégalais, c'est la façon dont les organisations qui représentent les intérêts des entrepreneurs sénégalais vont se saisir de cette occasion pour faire valoir leurs intérêts et réclamer donc, ce qu'on va appeler la sénégalisation de l'économie. Donc l'expression renvoie à toute une série de demandes extrêmement concrètes, parmi lesquelles briser le monopole des entreprises françaises sur les chambres de commerce, diminuer les apports de capitaux étrangers dans l'économie, une plus grande participation des Sénégalais aux activités industrielles, un meilleur accès au système bancaire et au crédit, bon je m'arrête là pour l'énumération, et donc les entrepreneurs vont, entre vous dire, complètement remettre en cause la politique économique du régime depuis les indépendances. Et donc ça va être porté par principalement une organisation, qui va être l'Union des groupements économiques du Sénégal, donc l'UNIGES, voilà, qui va formuler toutes ces demandes. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, a priori, voilà. C'est parce qu'au sein de l'UNIGES, on a 2600 membres, et la majeure partie, en fait, ce sont des petits commerçants et des transporteurs. Pourquoi est-ce que je vous dis ça aussi? C'est parce qu'au sein de l'UNIGES, qu'est-ce qu'on trouve? La Fédération Nationale des Groupements de Transporteurs du Sénégal, donc le FNGTS, hein, qui a été créé quelques années plus tôt, en 1963. Donc, en 1900, on a 68, l'UNIGES qui porte ses revendications, 1969, l'UNIGES qui est dissous par le pouvoir, qui va former le GES, donc le Groupement Économique du Sénégal. Et en fait, ce qui se passe, c'est une technique assez commune à l'époque. Sangor donc, fait dissoudre les organisations qui sont voilà, considérées comme contre le régime et les force à fusionner avec des partisans du régime. Et donc, c'est exactement ce qui se passe avec cette organisation patronale. Il fait la même chose avec le mouvement syndical, il fait la même chose avec les partis politiques. Et donc, finalement, le GES, hein, ça va devenir une espèce d'excroissance du parti présidentiel de l'époque. Donc, voilà. Donc au-delà de ces jeux de fusion, etc., voilà, on regarde dans les bureaux, enfin voilà, le bureau de l'EGS est majoritairement composé donc de personnes favorables au régime. Et donc au-delà de ces jeux de fusion, il va y avoir toute une série on va accorder pas mal de choses en fait hein, au mouvement, au patron, aux entrepreneurs. Les chambres de commerce, elles vont être sénégalisées, hein, donc elles vont intégrer des entrepreneurs nationaux en plus grand nombre. L'État va octroyer plus de marchés aux entrepreneurs sénégalais. Et plus important, il y a des sociétés de crédit qui vont être formées de façon à pouvoir alimenter les entreprises sénégalaises, jusqu'ici pour la plupart exclues des systèmes de prêts bancaires. Donc on a par exemple la Banque nationale de développement, la SONEPI, la Société nationale d'études et de promotion industrielle, la SONAGA, la Société nationale d'assistance et de garantie automobile. Et donc tous ces prêts, en fait, ils vont véritablement s'apparenter à des donations, hein, puisqu'en fait, il y a très peu d'entre eux qui sont véritablement remboursés. Et donc l'État va proposer aussi aux transporteurs de remplacer leurs anciens véhicules et donc va les inviter à s'organiser, à se regrouper en coopérative pour bénéficier des prêts, notamment hein, voilà, de la SONAGA, par exemple. Et donc cette reconnaissance accrue des transporteurs de la part de l'État va avoir des conséquences. Ça va notamment permettre d'accroître l'ancrage territorial de la Fédération des transporteurs, hein, donc voilà la fédération dont je vous parlais tout à l'heure, création en 1963, etc. Donc qu'est-ce que je veux dire par ancrage territorial? Ça va renforcer l'influence des représentants régionaux de la fédération et ça va leur permettre d'accroître, de bénéficier de plus en plus de marchés publics, etc. Je prends un exemple pour que vous compreniez un peu la logique. Mabdine Goumbala, il représente la Fédération des transporteurs au début des années 70 dans la région du Sine-Saloum. Donc la région du Sine-Saloum, ça équivaut à la région de Kaolack et à la région de Fatick aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le Sénégal. Donc quelques éléments sur son parcours. Donc il commence en 1953, après une dizaine d'années de formation en mécanique. Il ouvre son propre garage, hein, toujours dans la région du Sine-Saloum, qu'il achète à un entrepreneur libanais pour une somme de 800 000 francs CFA. Gardez-le en tête, c'est important pour les proportions après. Ce premier achat, donc, c'est le fruit de plusieurs années d'économie, hein, puisqu'il explique, voilà, il est soumis à une forte concurrence, voilà, etc. Et donc il décide ensuite de se réorienter vers le transport de marchandises, donc il fait un peu d'arachide, de paille, de basalte. Et donc ces activités vont lui permettre d'accroître la taille de son parc de véhicules et de progressivement monter jusqu'à 3 véhicules. Donc, voilà. Et donc, on passe 1970, donc cette époque des négociations, l'IGES, le GES, etc. Tout s'accélère. Il va acheter 14 nouveaux véhicules. Il va bénéficier de contrats avec l'Office national de coopération et d'assistance au développement, l'ONCAD. Donc pour ceux qui s'intéressent au Sénégal, c'est très connu, hein, c'est un organisme qui était très impliqué dans la gestion de l'arachide, etc., l'acheminement, le transport de l'arachide. Donc c'est un organisme étatique, hein. Sa proximité avec le directeur financier de l'ONCAD va lui permettre d'obtenir une avance d'environ 2,5 millions de francs CFA. Hein. Vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes proportions par rapport aux 800 000 francs du début, qu'il va utiliser pour encore renforcer son parc. Et voilà, donc ça c'est un exemple voilà, parmi d'autres. Et donc ce qui va faire la force de ce réseau, c'est qu'il va se prolonger des grands propriétaires à l'envergure nationale ou régionale, comme par exemple Mabdine Goumbala, jusqu'aux petits chauffeurs. Ça va notamment s'effectuer à travers la relation d'embauche. Hein, donc à la fin des années 60, les transporteurs de la fédération y représentent plus de 1 800 véhicules sur les 2 066 qui sont en circulation dans tout le Sénégal. Donc ça veut dire au moins autant d'employés. Chaque propriétaire va disposer donc d'un espèce d'ascendant sur une population plus ou moins importante et en fonction de la grandeur de son parc de véhicules. Dans les années 70, donc il y a une explosion du nombre de véhicules et donc d'employés, et donc leur ascendant en fait va se déploie sur une population de plus en plus importante. Il y a deux types de relations d'embauche qui coexistent. Il y a une première qui est fondée sur l'embauche des chauffeurs de façon journalière. Il y a une seconde qui est fondée sur une embauche sur des bases plus régulières. Et c'est le second type d'embauche qui semble, d'après ce que j'ai pu reconstruire, hein, qui semble être le plus répandu. Et donc d'après encore une fois, les témoignages que j'ai pu recueillir, alors surtout du côté des transporteurs, cette relation-là, elle ne se limite pas qu'à la sphère travail. Hein, là aussi, c'est les employeurs qui font venir les chauffeurs dans la ville, hein, où ils ont leur véhicule, qui aident à son installation, qui le conseille, parfois sur des choses intimes, qui joue le rôle d'intermédiaire entre lui et l'administration. Hein. Et puis, ce type d'embauche, c'est aussi ce type d'embauche qui constitue la principale voie d'ascension sociale pour les chauffeurs au sein du monde du transport, hein, puisque c'est associé souvent en fin de carrière, à l'accession à la propriété. Hein, puisque, en fait, être employé plus régulièrement, c'est éventuellement à terme, hein, être en capacité de devenir propriétaire du véhicule qu'on a exploité pour le compte de son employeur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces chauffeurs propriétaires vont former une espèce d'élite, hein, qui va relayer l'influence des transporteurs au sein de la population des chauffeurs qui est agrégée dans les espaces d'embarquement, donc dans les gares. Donc, c'est à eux qu'on va confier l'inscription des chauffeurs, hein, à leur arrivée, la gestion des départs, en échange, voilà, d'une contribution de quelques centimes de francs CFA. Dans certaines gares, cette organisation va se formaliser jusqu'à la création de statuts, l'écriture de règles, toujours là encore sous l'influence des transporteurs. Hein, ça circule notamment du fait des réunions de la fédération. Là, on retrouve des statuts qui sont semblables d'une région à une autre. Dans certaines gares, ça va même aller, cette formalisation, jusqu'à obtenir des cartes, hein, pour les rabatteurs de clients. En tout cas, c'est ce que nous disent les archives de presse. Donc voilà, et puis je m'attarderai un peu plus là-dessus, sur la politisation de ce réseau dans la seconde partie. Mais voilà, tout ce réseau, hein, il est largement mobilisé lors des campagnes électorales, hein, en soutien, bien évidemment, au parti présidentiel. Et donc il arrive à point nommé pour compléter les réseaux urbains du Parti socialiste, le Parti socialiste qui, à l'époque, hein, est en difficulté, on va dire, hein, depuis le milieu des années 60. Je ne m'étends pas sur la forme du Parti socialiste dans les années 60, mais voilà, je voudrais citer au moins un travail, c'est celui de François Zuccarelli, qui a écrit une thèse qui est disponible à Sciences Po en 1988 et qui décrit très finement, en fait, hein, l'état du Parti socialiste à l'époque, etc., et qui permet de mettre en perspective un peu, voilà, toutes ces choses-là. Dans ce contexte-là, les transporteurs n'ont aucun mal, en fait, à faire accepter leur présence dans l'espace urbain, à s'approprier des pans entiers de l'espace urbain pour en faire, en fait, des espaces d'embarquement. Hein, ces espaces d'embarquement sont même parfois directement financés par l'État. En tout cas, encore une fois, c'est ce que nous disent les archives de presse. Alors, c'est à coût de plusieurs millions de francs CFA. Et en fait, cette attitude-là, elle tranche complètement avec l'attitude que pouvait avoir l'administration coloniale par rapport à ces espaces. Hein. Là, c'est les archives administratives de l'époque. Ou même l'État postcolonial, si je puis m'exprimer ainsi, voilà, dans les années 60, qui aussi était très rétif à l'installation de ce type d'espace dans l'espace urbain. C'est dans ces espaces aussi que les chauffeurs s'agrègent, que les sociabilités qui sont à la base de ce qu'on va appeler les regroupements de chauffeurs prennent forme. Donc voilà, naissance de mutuelles, organisation sous la forme de ce qu'on appelle au Sénégal des daara, hein, c'est-à-dire des collectifs religieux. Tout ça avec une forte dimension économique, hein, et là ça fait écho, je pense, à la future intervention de Laurent, avec une forte dimension économique, hein, puisque l'adhésion à tous ces types d'organisations se fonde sur la cotisation. Donc voilà, on a ces différentes formes de cotisation, d'organisation qui cohabitent. Hein, voilà, donc à la fois des organisations qui sont propres aux chauffeurs, mutuelles, daara, et puis d'autres qui sont propres aux transporteurs et qui cohabitent sur un seul et même espace. Voilà. Une petite phrase sur l'allure de ce réseau, voilà, à l'échelle nationale. Hein, bah là, on peut conjecturer, on peut formuler l'hypothèse que ce réseau, il est relativement homogène du fait de la circulation des chauffeurs. Hein, voilà. Mais qui prend la forme, en fait, du réseau routier, hein, de l'époque. Hein, donc là, je ne vais pas revenir sur l'aspect du réseau routier, mais on pourrait, voilà, le décrire. Voilà, je fais référence ici aux travaux de Vanchi Bonnardel, justement, qui décrit pas mal, voilà, la forme de ce réseau routier. Ça pour dire qu'il, voilà, il est pas homogène sur tout le territoire. On arrive à la seconde partie de mon récit. Comment est-ce que, à partir des années 1980, le réseau de la Fédération des transporteurs, qui s'est structuré pendant les années 70, voilà, de la façon dont je vous ai expliqué, comment est-ce qu'il va se fracturer? Et comment est-ce que ces divisions vont permettre à une représentation des chauffeurs qui est autonome de celle des transporteurs d'émerger? Je rebois, excusez-moi. Donc, première scission au sein de la Fédération en 1985. Donc, elle oppose deux personnalités qui sont très importantes dans l'histoire du transport au Sénégal, Bamba Souran et Lobat Fall, qui sont respectivement, donc, pour Bamba Souran, le président, et pour Lobat Fall, le vice-président de la Fédération des transporteurs, hein, dont je vous parle depuis le début. Alors, l'eau batfale, c'est un peu les symboles des politiciens hommes d'affaires qui avaient émergé, donc qui ont émergé, pardon, suite à la sénégalisation de l'économie durant les années 1970. Je fais une petite parenthèse culturelle. Il y a un film d'Ousmane Sembène qui est disponible sur YouTube. Je pourrais vous envoyer le lien après. Malheureusement, ce n'est pas en très bonne qualité. Le film s'appelle Khala, donc Xala, et qui décrit très très bien l'arrivée de ces entrepreneurs, hommes politiques, etc. Voilà, et de façon très humoristique. Donc je vous encourage à le chercher sur YouTube ou à le chercher en bonne version. Ça décrit très bien l'époque. Donc, pour revenir un peu à Bamba Sourand et l'eau batfale, voilà, Bamba Sourand, moi je l'appelle l'héritier, et l'eau batfale, je l'appelle le self-made man. Hein, vous allez comprendre pourquoi ils occupent des positions sociales qui sont assez homogènes, mais ils n'ont pas du tout le même type d'ascension sociale. Donc je vais creuser un peu ça. L'eau batfale, donc pardon, Bamba Sourand, Bamba Sourand, l'héritier, donc il est déjà inséré dans l'économie durant la période coloniale. Bamba Sourand, c'est un héritier direct de la première génération d'entrepreneurs africains qui ont développé leurs activités dès la fin du 19e siècle. Tout comme ses frères, il a réalisé des études, il sait lire, il sait écrire le français. Alors ses frères, eux, ils vont plutôt aller dans l'administration, mais lui, il va se lancer dans le transport. Et donc au début des années 1950, il a 20 ans, il va effectuer du transport de marchandises. Et donc, il fait partie un peu de la frange d'entrepreneurs dits autochtones, hein, je reprends encore une fois le vocabulaire de l'époque, qui va bénéficier de tout le renouveau du commerce sénégalais de l'après-guerre. Donc voilà, là encore une fois une référence, parce que bah, voilà, je capitalise sur les travaux qui ont été faits avant. Je vous renvoie un peu aux travaux de Laurence Marfaing sur cette époque, qui fait une sociologie très fine un peu de tous les entrepreneurs sénégalais voilà, dans les années 80-90. Bref, donc à la veille de la sénégalisation de l'économie, Bamba Sourand, donc il va disposer de plein de ressources économiques importantes. Hein. Il appartient aux entrepreneurs sénégalais qui sont loyaux au pouvoir hein, durant la crise de 1968. Donc il fait partie des gens qui vont avoir une importance, prendre de l'importance au sein du GES. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, dissolution, puis recomposition, etc. Donc, lui, il est dans le GES, il va même en devenir le président quelques années plus tard. En 1973, il va même aussi devenir le président donc, de cette fameuse Fédération des transporteurs. Et donc, il va bénéficier de plein de prêts avantageux offerts par les différents organismes financiers durant toutes les années 70. Des organismes au sein desquels, parfois, bah, il occupe le statut de président du conseil d'administration, par exemple. Et donc, ces prêts vont lui permettre d'agrandir son parc de véhicules. Et donc, il va aussi diversifier toutes ses activités. Donc, il va faire du transport de marchandises, mais il va faire aussi des travaux publics, du transport urbain, de la distribution de riz, de textiles, des assurances. Et donc, il va devenir parallèlement donc, le président aussi de la Chambre de commerce de Louga dans les années 80. Donc, Louga, pareil, c'est une ville des régions hein, voilà, sénégalaises. Il va intégrer des organisations nationales, comme le Conseil économique et social. Et il va continuer donc d'entretenir des liens assez étroits avec le Parti socialiste jusqu'à devenir député en 1970. Donc vous voyez un peu le même type d'expansion qu'on peut voir chez une figure au rayonnement régional comme Mamadou Doumbala, hein, que je vous décrivais tout à l'heure, mais pas du tout dans les mêmes proportions, quoi. Il a des positions nationales et le commerce qu'il fait, c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Donc ça, c'est pour Bamba Sourand. Maintenant, l'eau batfale, donc le self-made man. L'eau batfale, lui, c'est un pur produit en fait, du régime socialiste. C'est un pur produit de cette sénégalisation de l'économie. L'eau batfale, il est né en 1930, donc dans les mêmes eaux que Bamba Sourand, dans l'actuelle région de Pau d'Or, donc c'est plutôt situé au nord du Sénégal. Ses deux frères détiennent des boutiques dans la région, et puis aussi un peu en Mauritanie. Et il commence par travailler à Dakar dans un garage qui dessert sa région d'origine et il va le faire en tant que rabatteur de clients. Donc on est sur des débuts qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus modestes. Il est aussi à l'occasion commerçant de sel, de mil, de noix de cola, voilà, de produits manufacturés, voilà, de divers produits manufacturés. Mais son activité, en fait, elle reste vraiment très, très modeste. Et donc à partir des années 70, les quantités de marchandises qu'il va déplacer, son parc d'automobiles va considérablement s'accroître de façon très rapide. Ça va générer d'ailleurs tout un tas de rumeurs dans le monde du transport. Donc il semble voilà, qu'il ait bénéficié bon, de tous ces prêts hein, qui vont provenir d'institutions financières parapubliques, ce qui va lui permettre donc, de diversifier ses activités économiques. Ce qui est très probable aussi, c'est qu'il ait servi de prête-nom à toute une série de hauts fonctionnaires et de politiques pour des investissements. Mais en tout cas, ça va lui permettre d'acquérir une surface économique énorme. Et donc, au début des années 80, il est détenteur de plus de 300 cartes grises. Il va jusqu'à importer plus d'une centaine de véhicules de transport de passagers, une cinquantaine de camions-remorques de France. Hein, bon, là, on est vraiment sur des proportions qui sont extrêmement importantes. Et puis, il va bénéficier de plein de contrats publics pour le transport des élèves boursiers, pour celui des fonctionnaires. Et même quand on parle aux gens aujourd'hui, hein, voilà, c'est des gens qui se rappellent de l'Obatfal, ils se rappellent de quand ils allaient chercher leur ticket pour se faire transporter par l'Obatfal, etc. C'est quelque chose qui est encore présent dans la mémoire des gens, voilà, ce Obatfal. Donc, tout comme Bambassouren, hein, il a sa position au Conseil économique et social, et puis il va devenir député, hein, voilà, très vite. Je m'arrête là, ils ont aussi des positions, ils sont très proches de la confrérie Mouride, mais je ne m'étends pas forcément là-dessus. Donc vous voyez que l'Obatfal, Bambassouren, ils ont intégré les réseaux du pouvoir central, tous les deux, de façon là, très, mais pas suivant les mêmes temporalités. Et donc, le fait qu'ils n'aient pas intégré ces réseaux du pouvoir, du Parti Socialiste, pas dans les mêmes temporalités, ça fait que bah, ils n'ont pas les mêmes connexions, ils ont des connexions distinctes au sein de l'appareil partisan présidentiel. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails vraiment, mais pour résumer, Bambassouren est beaucoup plus proche des réseaux sangoriens, hein, parce que bah, voilà, il était là avant, etc. Quand l'Obatfal est lui beaucoup plus proche des réseaux qui vont être mis en place par Abdou Diouf en 1980. Donc, je rappelle, Abdou Diouf qui succède, qui est l'ancien premier ministre de Senghor et qui va lui succéder en 1981. Et donc lui, voilà, l'Obatfal, pardon, est beaucoup plus proche de ces réseaux-là. Et donc cette intégration différenciée au sein du PS, elle va avoir des effets. Elle va rendre la fédération perméable à toutes les dissensions qu'il va y avoir et qu'il va y avoir au sein du PS dans les années 80 suite à la succession Senghor-Diouf. Puisque Abdou Diouf, en fait, hein, il va systématiquement vouloir construire ses propres réseaux de soutien et défaire les anciens réseaux de Senghor, aussi bien donc, au sein du PS qu'au sein du milieu syndical et patronal. Et donc en 1985, voilà, on a une scission, l'Obatfal, Bambassouren, l'Obatfal qui part, qui forme sa propre fédération. Hein, et donc dans cet affrontement, voilà, je me répète un peu, hein, mais c'est pour vous comprenez bien, l'Obatfal qui bénéficie du soutien de ce qu'on appelle les barons, que, voilà, les partisans, enfin plutôt les réseaux Senghor, et l'Obatfal qui va bénéficier plutôt du soutien de Jean Collin, hein, donc, qui est le secrétaire général de l'Élysée à l'époque, et donc plutôt le soutien d'Abdou Diouf. Donc c'est une première scission au sein de la Fédération historique des transporteurs qui va engendrer par ricochet toute une série de scissions au niveau régional hein, dans la Fédération. Alors là non plus, je n'ai pas le temps de revenir en détail sur comment ça se fonctionne, mais la logique générale de ces scissions ricochées, hein, ce que j'ai pu reconstruire en tout cas, c'est qu'en fait il y a des personnes lésées dans des arbitrages passés faits par Bambassouren qui vont en fait bah, prendre le parti de l'Obatfal et faire dissidence au niveau régional. Donc voilà, on va avoir une représentation double des transporteurs. Donc ça, c'est voilà, tous les bouleversements politiques et comment ça affaiblit la structure de la Fédération des transporteurs. Et donc à ça va s'ajouter les effets des politiques d'ajustement structurel. Donc là, on rentre dans un second registre d'explication. Dans le secteur du transport, ces réformes d'ajustement structurel, elles vont se manifester par l'adoption de deux plans. Voilà, on va féliciter la Banque mondiale pour son imagination. C'est le plan d'ajustement sectoriel transport 1 et le plan d'ajustement sectoriel transport 2. Et donc, qu'est-ce que ça va amener ? Donc, le ministère de l'équipement et du transport va subir d'énormes réorganisations. On va être complètement dépecé, en fait. Hein, on va énormément de renvois de fonctionnaires. Et surtout, les organismes qui octroyaient jusqu'ici des prêts aux grands transporteurs vont disparaître pour laisser place à tout un train de mesures qui vont favoriser la compétition économique. Et donc, l'une des conséquences de ces réformes, ça va être le bouleversement de la sociologie du milieu du transport et puis l'émiettement de la propriété du parc de véhicules. Alors, pour le dire simplement, ce que j'ai été amené à formuler comme hypothèse, mais bon, c'est une hypothèse qui est forte, c'est que suite à la libéralisation du secteur, on n'a plus une poignée de grands transporteurs, mais en fait une multitude de petits transporteurs, souvent qui sont, en même temps qu'ils sont propriétaires aussi, conducteurs du véhicule dont ils sont propriétaires, éventuellement ils en possèdent un sur le côté. Donc ça va avoir plein de conséquences en fait, sur ce bouleversement de la sociologie qui ne se fait pas en une année, deux années, hein, qui se fait voilà, sur quand même une période assez longue. Une des conséquences qui nous intéresse tout particulièrement, c'est qu'il va y avoir donc une modification des modalités d'ascension sociale au sein du monde du transport. Hein, c'est un changement dans l'accès à la propriété qui autorise des accès à la propriété plus rapides, qui vont être accessibles à un plus grand nombre, et voilà, une propriété émiettée. Si vous vous souvenez, dans la première partie, je vous avais un peu expliqué comment, genre, les années 1970, lorsqu'on était chauffeur, devenir propriétaire, ça passait quasi obligatoirement par devenir le chauffeur principal d'un transporteur. Et là, suite à la libéralisation des importations, les nouveaux petits propriétaires peuvent miser sur leur propre épargne pour acheter des véhicules de seconde main, hein, qui sont désormais, voilà, disponibles plus librement. Et donc, en réponse à ce mouvement d'émiettement et à la multiplication des chauffeurs propriétaires, les représentants des grandes fédérations qui sont désormais en compétition, hein, vont développer toute une rhétorique qui va être fondée sur un espèce de discours de proximité, de façon à être à avoir le plus de partisans possible. Donc voilà, une rhétorique qui est censée leur apporter, voilà, le soutien du plus grand nombre, hein, c'est-à-dire de plus en plus les chauffeurs propriétaires. Alors cette rhétorique, elle repose sur tout un discours qui met en avant les points communs entre les profits, le vécu, les problèmes des transporteurs qui sont en compétition et ceux supposés des chauffeurs. Alors tous ces changements-là, ils vont réellement prendre forme et se manifester à l'occasion d'une seconde scission au sein du mouvement patronal, voilà, sénégalais, en 1992, qui va opposer l'Obat Fall et Hatoum Ndiaye. Donc voilà, on est donc l'Obat Fall, là, vous vous souvenez, voilà, il a sa fédération, il y a une seconde scission qui va l'opposer à son vice-président, à son bras droit, Hatoum Ndiaye. Donc à l'époque, hein, toute la critique, hein, c'est, voilà, on considère que les fédérations de Bambasourang et de Bafal sont, voilà, des organisations lointaines, éloignées des préoccupations du vécu quotidien des chauffeurs. On leur reproche, voilà, les liens avec les sphères politiques, l'importance de leur surface économique aussi. Donc tout ce qui les rendait légitimes avant, ça les délégitimise, voilà, à ce moment précis. Et ce qui est intéressant, c'est que Hatoum Ndiaye va devenir le plus populaire de ces trois figures nationales, et qu'il a une façon mais diamétralement opposée de se présenter par rapport à Bambasourang et par rapport à l'Obat Fall. L'ampleur de son activité est beaucoup plus restreinte. Son activité aussi est beaucoup moins diversifiée. Il se concentre sur le transport de passagers. Hein, il ne fait plus transport de passagers, transport de marchandises. Il n'intègre jamais le Parti socialiste. Il a des liens avec les. Il a, Il a des liens avec les confréries Mouride et Tidiane, on suppose, mais ça se fait de façon beaucoup plus discrète. Contrairement à l'Obat Fall et Bambasourang, finalement, sa popularité, elle ne repose pas tant sur tous les liens de dépendance qu'il peut nouer à travers, voilà, ses relations d'embauche que je décrivais un peu plus tôt, mais plutôt dans, voilà, donc cette image de proximité qu'il va entretenir auprès des chauffeurs et qui, voilà, qu'on retrouve, enfin, que j'ai retrouvé, voilà, durant les entretiens, voilà, quand j'ai dans le discours des plus des vieilles personnes que j'ai rencontrées qui avaient connu cette époque. Le nom qu'il choisit pour son organisation est assez symptomatique de ce changement. Il va appeler son organisation plus une fédération, mais un syndicat. Syndicat national des transporteurs et chauffeurs propriétaires. Donc c'est plus une fédération, c'est un syndicat. Il prétend plus représenter uniquement les transporteurs, hein, il représente aussi les chauffeurs propriétaires. Et donc toute cette nouvelle génération de propriétaires qui a bénéficié de la libéralisation des importations et du marché, voilà, des ajustements structurels. Donc ce discours, il va achever de s'imposer grâce au travail d'une poignée de chauffeurs, voilà, devenus propriétaires grâce à la libéralisation dans le courant des années 90. Et l'opposition entre, voilà, ces différentes fractions du monde du transport va se nouer autour d'une question très matérielle, qui va faire écho, à mon avis, encore une fois, à la contribution de Laurent, c'est celle de la gestion des ressources financières issues des cotisations des chauffeurs. Si vous vous souvenez, dans la première partie, je vous avais brièvement expliqué comment coexistaient deux systèmes de cotisation au sein des gares. Il y avait d'abord les systèmes de cotisation entretenus par les représentants des transporteurs, qui correspondaient à l'inscription des chauffeurs, et il y avait aussi ceux des chauffeurs entre eux sous la forme de diverses formes de mutuelles. Et au cours des années 90, on va assister, donc, toujours sous l'influence de cette frange de chauffeurs propriétaires que moi je retrouve durant mon enquête à la tête des gares routières, en fait, qui sont les présidents de gares routières. On va assister, donc, sous l'initiative de cette frange de chauffeurs propriétaires, au couplage des cotisations aux associations mutualistes, de chauffeurs qui existe depuis les années 70, avec l'inscription qui, jusqu'ici, était gérée par les transporteurs et leurs représentants dans les gares. Et donc, c'est l'acte de naissance de ce qu'on va appeler les regroupements de chauffeurs. Donc, dans la plupart des cas, ces transformations, elles passent par la création d'une nouvelle organisation concurrente à celle des transporteurs dans les gares. Alors là, pareil, j'ai pas le temps de rentrer vraiment dans les détails, mais on a des situations et des temporalités qui sont en fait assez diverses sur le territoire. Vous imaginez bien, il y a différents scénarios. Il y a des, en fonction des régions, entre les gares routières, parfois il y a des fusions entre les bureaux, parfois avec des gens qui font l'injonction entre les deux bureaux, par exemple un fils de transporteur qui est un peu chauffeur et qui va faire l'injonction entre les deux bureaux, ça c'est par exemple le cas au Lac. Parfois il y a des oppositions violentes qui vont être arbitrées par le préfet. D'autres fois, comme on va le voir dans la partie qui suit, il va falloir l'appui du syndicat pour prendre définitivement le contrôle de toute cette gestion financière des gares. Et donc, on a la circulation aussi de ce modèle sur l'ensemble du territoire. Donc là aussi, hein, ça se voit notamment par rapport au statut de toutes ces nouvelles organisations, hein, bon, voilà, je m'arrête là pour cette troisième partie. Vous avez compris le principe. Et donc, on arrive à la troisième partie. Le moment, en fait, tout ce dont je viens de parler, toutes les structures qui viennent d'émerger, vont être absorbées par le mouvement syndical. Alors, à l'époque, hein, on a donc la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, et la branche transport de la Confédération de la CNTS, qui est le syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal. Et donc, pour les syndicalistes, la promotion du groupe social des chauffeurs, et à travers lui donc l'argument du nombre, va devenir essentiel pour s'imposer à la fois dans la compétition interne au syndicat, hein, ce que vous allez voir à travers ce que je vais vous raconter, s'imposer aussi dans la compétition intersyndicat, et enfin garder sa place auprès du parti présidentiel. Donc je vais revenir un peu sur tous ces éléments. Donc voilà le contexte. On a donc 1980, l'arrivée au pouvoir d'Abdou Diouf, hein, qui marque un tournant dans les relations entre le pouvoir et le mouvement syndical. Hein, donc, l'unique centrale du pays, la CNTS, donc la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, qui est considérée comme une annexe du parti présidentiel, hein, depuis sa création en 1969. Hein, donc, voilà, je vous rappelle, 1968, l'UNTS, dissolution, on rebat les cartes, création de la CNTS, participation responsable. Hein, donc, et l'affiliation de la principale centrale syndicale de l'époque au Parti Socialiste. Hein, donc en gros, on adhère à la centrale, on est au Parti Socialiste et inversement, etc. Et donc en 1980, lorsque Abdou Diouf arrive au pouvoir, il va donc mettre en place cette stratégie de contournement des institutions sandoriennes et donc il va y avoir une remise en cause de l'affiliation. Donc cette remise en cause de la place de la CNTS auprès du pouvoir va venir s'ajouter à l'émergence d'un nombre croissant de syndicats concurrents dits autonomes. Hein, donc la CNTS, elle va rester la centrale majoritaire, il y a plus de 70 000 adhérents au début des années 90. En novembre 98, j'ai retrouvé quelque chose qui disait que la centrale représentait 63% des travailleurs syndiqués, donc c'est toujours des proportions qui sont très importantes. Mais la compétition syndicale est plus rude. Alors, ce double contexte, hein, affaiblissement progressif des liens entre la centrale et le parti présidentiel, d'un côté, l'augmentation de la compétition entre la centrale et ses concurrents de l'autre, vont obliger en fait ces dirigeants à trouver des sources de légitimité autres que la simple reconnaissance du parti présidentiel. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils vont se tourner vers leur base. Donc ça vaut à l'échelle de la centrale, ça vaut aussi à l'échelle des syndicats qui composent la centrale, et notamment donc, la branche transport, donc le syndicat national des travailleurs du transport routier du Sénégal, la branche transport de la CNTS. Alors, d'où ça vient ce syndicat, etc. Donc, les conditions de création de ce syndicat sont assez floues, je n'ai pas réussi à reconstruire. L'organisation, elle serait née en 1961 suite à une grève qui a été menée par les conducteurs de taxis urbains de la capitale. Mais en fait, jusque dans les années 80, l'audience de ce syndicat est relativement confidentielle. elle dépasse pas vraiment la capitale, ou en tout cas le petit milieu des taxis urbains. Et en fait, c'est sous l'action d'un homme qui s'appelle Damelot, donc il va être le secrétaire général du syndicat en 1984, qui va arriver en tout cas à la tête du syndicat en 1984. C'est sous l'initiative de Damelot que l'organisation va acquérir une véritable audience parmi les chauffeurs dans l'ensemble des régions. Donc le parcours de Damelot et puis son action, je trouve qu'elles sont assez symptomatiques, voilà, de tous ces changements que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire le changement des ressources valorisées au sein du champ syndical, parlé comme un sociologue, voilà, et puis enfin, au sein de la centrale. Ce que j'expliquais à l'instant, hein, donc voilà, je vais revenir un peu sur son parcours, hein. Donc Damelot, il naît en 1945, dans la région de Louga, dans une famille de cultivateurs et de commerçants, donc c'est plutôt des origines plutôt modestes. Il va à l'école coranique, hein, c'est quelqu'un qui parle pas français ou mal. Il devient apprenti ensuite, hein, à 13 ans, donc il a 13 ans. Il fait un bref passage par la Mauritanie, hein, fin des années 1960, comme plein de personnes de sa génération. Là-bas, il devient conducteur de taxi urbain, et quand il revient à Dakar, il continue cette profession. Fin des années 70, il n'appartient pas encore au syndicat, et il va gagner une certaine popularité parce qu'il va s'imposer comme un intermédiaire entre l'administration et les chauffeurs de la capitale. Il va ensuite contribuer à l'organisation, toujours à Dakar, d'une grève sauvage de 5 jours à la fin des années 1970. Alors c'est une pratique qui est extrêmement courante apparemment à l'époque et qui est interprétée comme une critique larvée de la trop grande proximité entre les élites syndicales et le Parti socialiste. Hein, cette façon de faire des grèves en fait en dehors des structures syndicales. Donc le secrétaire général de la centrale du syndicat national des travailleurs routiers du Sénégal, hein, le secrétaire de l'époque, il s'appelle Ousmane, le secrétaire général de l'époque, il s'appelle Ousmane Touré. Et lui, effectivement, bah voilà, il se prévaut de l'appui direct du parti présidentiel, du parti de Senghor, et il est aussi l'un des membres du comité central du PS. Donc voilà, on est vraiment dans la participation responsable, l'affiliation, etc. Et donc l'objectif de Damelot à l'époque, c'est de destituer le dirigeant, Ousmane Touré, hein, voilà, le dirigeant de la centrale. La grève est un succès, la direction de la centrale change, effectivement. Mais pas tout à fait au bénéfice de Damelot, puisqu'il va arriver second derrière quelqu'un d'autre qui s'appelle Mustapha Touré, qui est quasiment l'homonyme du premier, mais voilà, qui est un peu plus expérimenté. 6 ans plus tard, on est en 1984, il y a une nouvelle tendance. Alors, je suis désolé, je vous emmène dans les choses un peu compliquées, voilà, compliquées, mais c'est important pour comprendre en fait comment voilà, il y a une vraie. Voilà, comment toutes ces divisions politiques, en fait, elles rejaillissent sur le monde syndical et voilà, comment ça fonctionne vraiment ensemble. Donc 6 ans plus tard, en 1984, une nouvelle tendance. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Amadou Diouf, il y a énormément de conflits internes au sein de la Confédération. Mustapha Touré, il fait partie de cette tendance qui vise à destituer le président de la CNTS de l'époque, qui est plutôt considéré comme faisant partie des réseaux sangoriens. Je ne rentre pas dans les détails, mais cette espèce de mini coup d'État échoue. Madia Diop, donc, qui est le président de la CNTS de l'époque, reste en place. Et donc il va sanctionner Mustapha Touré, donc exit Mustapha Touré, et Damelot va pouvoir prendre la tête de la branche transport, puisqu'il est resté fidèle à Madia Diop. Pourquoi est-ce que voilà, je vous raconte tout ça? C'est parce que si vous m'avez bien suivi, vous voyez bien qu'on a affaire à quelqu'un, Damelot, qui est arrivé à prendre la tête du syndicat dans une centrale qui a une histoire très longue de proximité avec le pouvoir, mais aussi quelqu'un qui reste marginal, en fait. Puisque il s'est imposé à la tête du syndicat en étant dans les mauvais réseaux. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Donc qui est en fait en même temps dans les réseaux du pouvoir, mais qui est en même temps marginal dans ces mêmes réseaux. Et ça va se voir dans sa propre progression, puisque en fait il va intégrer le comité central du PS que 2 ans après sa nomination, en 1986. C'est ensuite que 12 ans plus tard qu'il va être mis sur la liste des députés qui est rituellement proposé par la CNTS pour intégrer l'Assemblée nationale. Il est même pas mis comme titulaire sur cette liste-là, il est mis comme suppléant. Donc vous imaginez, voilà, c'est quelqu'un qui est en même temps dans les réseaux du pouvoir et qui est marginal. Et donc, ces relations ambiguës du syndicaliste avec le parti présidentiel, elles vont le pousser à adopter une stratégie différente de celle de ses prédécesseurs, Ousmane Touré et Moustapha Touré, qui avaient jusqu'ici complètement négligé tout le travail d'aller voir les régions, d'implantation dans les gares, etc. Damelot, lui, il va entamer une tournée, des tournées, et pour mobiliser dans les gares, et il ne va pas se limiter ce travail à la capitale, il va aller voilà, dans toutes les régions. Donc parfois, l'implantation du syndicat va être facilitée par des liens d'amitié qui préexistent. Hein, c'est le cas par exemple de ce qui se passe à la gare routière de Pompiers. Damelot, en fait, il a immigré avec une des figures du regroupement de chauffeurs de la gare routière de Pompiers qui s'appelait Moussa Guerrier. Donc voilà, là ça va être facilité. Lorsque la mobilisation concerne des capitales régionales, hein, là par exemple ça va s'effectuer par l'organisation de grèves hein, pour répondre aux préoccupations locales des chauffeurs. Ça va être le cas dans la ville de Kaolack par exemple, hein, où il va y avoir l'organisation d'une protestation contre les mototaxis, donc il faut concurrence au transport en voiture. Au-delà des mouvements de grève, le syndicaliste il va se déplacer, donc Damelot, hein, il va se déplacer dans les différentes régions pour régler des conflits qui opposent les chauffeurs aux transporteurs devant le tribunal du travail. Vous avez tout ce travail qui va être fait durant les années 1990. Donc, de façon parallèle à tout ce que je vous expliquais dans la seconde partie, hein, il y a l'institutionnalisation des regroupements, etc. Et puis, ça va être aussi, hein, voilà, Damelot qui va mettre au service des regroupements son statut de représentant syndical. Hein, et sa proximité donc supposée avec les réseaux du pouvoir central. Hein, puisque dans l'imaginaire de la majeure partie de la population et aussi dans celui des représentants de l'administration, la CNTS, ça reste l'un des démembrements du pouvoir central eu égard à son histoire. Ici, Damelot, il est relativement marginal dans ces réseaux. Hein, donc ça va permettre à Damelot notamment de bénéficier d'arbitrage de la part des préfets, de représentants des autorités centrales. Ça va être le cas, bon, je ne rentre pas dans les détails encore une fois, mais en Casamance, ça va lui permettre d'organiser des meetings au sein des gares, ça va, voilà, etc., etc. Point important, ces réseaux-là vont lui permettre d'officialiser l'activité des nouvelles associations de chauffeurs, donc des regroupements de chauffeurs, à travers des actes légaux. Hein, c'est notamment le cas d'un acte légal qui va être signé par les différentes composantes du gouvernement en 1989 et qui reconnaissent les regroupements de chauffeurs. Alors sur ce point, c'est un document qui est très important mais je n'ai pas eu entre les mains. Mais je me permets de l'intégrer à mon histoire parce qu'en fait, j'ai recueilli ce témoignage à la fois du côté des syndicalistes et à la fois du côté de la division des transports terrestres. Donc, je me dis que ça a dû se passer, ça a dû arriver même si personne n'a le document en question. Voilà, donc. On est dans cette situation-là, jusque dans les années 2000. Et dans les années 2000, il va se passer quelque chose de très intéressant. Il va y avoir un second basculement suite à la première alternance politique, donc les élections de 2000, celui qu'on qualifie d'être bah, l'éternel opposant Abdoulaye Wade qui s'empare du pouvoir. Et donc ce changement va achever de détériorer les relations entre la centrale historique et le parti présidentiel. Surtout que la CNTS avait explicitement soutenu la candidature d'Abdou Diouf. Donc voilà, dans une mauvaise posture. Et donc, durant la période post-alternance, ce qui va se passer, c'est que les dirigeants des regroupements vont se servir de la grève pour entrer en contact direct avec le pouvoir central, sans l'intermédiaire des représentants nationaux de la centrale syndicale. Et en tout cas, c'est ce que laisse penser voilà, l'occurrence de toute une série d'événements protestataires qui vont impliquer les regroupements dans les années 2000 et qu'on retrouve donc consignés voilà, dans la presse. Donc c'est l'émergence sur la scène nationale de revendications qui sont portées par les regroupements à l'échelle d'une région ou d'une ville. Donc ça va se passer à Hambourg, à Ziguinchor, à Velingara, à Fatick, à Kaolack. Voilà, on va protester encore une fois contre les mototaxis, c'est quelque chose qui revient beaucoup, contre le prix de l'essence, contre les tracasseries ou les harcèlements policiers. On va s'adresser directement au président, mais pour des revendications locales. Et donc cette volonté d'entrer en contact direct avec les présidents de la République sans intermédiaire, elle va trouver son aboutissement dans l'éviction de Damelot de la tête du syndicat au profit d'un représentant qui est directement issu des regroupements de chauffeurs. C'est ce qui va se passer dans les années 2000. Hein, donc Damelot très fortement contesté. La goutte d'eau qui va faire déborder le vase, c'est Damelot qui cherche à faire cotiser les regroupements à la centrale syndicale. Et donc, il va y avoir un mouvement des regroupements, la mise en place d'une campagne électorale, et les regroupements vont financer quelqu'un qui est issu de leur rang, hein, Alassane Doye, qui est toujours le secrétaire général de la centrale jusqu'à aujourd'hui. Et cet Alassane Doye, il est issu d'un regroupement d'un garage de la banlieue dakaroise. Hein, donc, il va bénéficier des soutiens financiers de pas mal de regroupements à la fois de Dakar et des régions. Et donc, il va faire une tournée dans tout le Sénégal. Hein, et donc, voilà, finalement, l'arrivée à la tête de Alassane Doye, grâce au soutien des regroupements, va entériner l'avènement d'une organisation, en fait, dont la structure n'est conçue que comme l'addition des regroupements de chauffeurs, et dans laquelle le secrétaire général est un obligé de sa base qui l'a élu. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'observe quand je fais mon terrain dans les années 2010, hein, lorsque je peux suivre de loin des négociations de grève, hein, je vois le secrétaire général, qui certes est la figure qui représente les syndicats, mais qui est tenu par les présidents de regroupements les plus importants au niveau régional, hein, qui les emmènent en négociation, etc., et qui est obligé de les consulter tout le temps pour savoir s'ils continuent ou s'ils ne continuent pas la grève, etc. Voilà, je m'arrête là. Voilà, c'était dans les années, dans les années 2010. Très succinctement, pour conclure, parce que voilà, je pense, j'ai l'impression que j'ai dit beaucoup, beaucoup de choses, je voulais revenir sur les deux clés de lecture qu'on pouvait avoir de tout ce que je viens de vous raconter, de tout ce récit qui débute donc dans les années 70, puis que je décide de terminer hein, dans les années 2010, mais qui continue encore aujourd'hui. Deux clés de lecture. Qu'est-ce qu'on voit, premièrement? On voit d'abord que toutes les recompositions, à la fois sociales et politiques, qui ont été engendrées par la succession Senghor Diouf, mais aussi par la mise en place de ce qu'on a appelé les ajustements structurels. Hein, clairement, on voit comment ces différents phénomènes ont abouti à l'affirmation de nouveaux groupes sociaux, hein, en tout cas, c'est ce que je vois, donc celui des chauffeurs, des groupes sociaux qui n'existaient pas dans les années 70 et qui se retrouvent omniprésents dans les années 2000, notamment à travers tout ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire ces séries d'épisodes de grève, etc. La seconde clé de lecture de ce que je viens de vous raconter, c'est donc la question de la syndicalisation des travailleurs de ce qu'on appelle le secteur informel. Et donc là, en fait, on voit bien qu'on est loin de l'opposition entre des organisations syndicales classiques et des formes d'organisation catégorielle qui seraient propres au secteur informel. On voit bien comment est-ce que ces dernières, en fait, en tout cas dans la séquence temporelle dont je parle et dans le secteur dont je parle, ces dernières sont complémentaires. Hein, mieux que ça, on voit comment est-ce que les regroupements de chauffeurs vont venir au secours des organisations syndicales, dans un premier temps, hein, des organisations syndicales qui sont mises en difficulté par la diversification de l'offre syndicale, par toute une série de changements politiques, et puis comment, dans un second temps, ces organisations, les regroupements de chauffeurs, vont phagocyter la branche transport de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais et vont s'en servir comme d'un véhicule pour accéder plus directement aux ministres et au président de la République. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long, que je n'ai pas voulu trop faire, voilà, mais voilà, je vous remercie en tout cas.